L'actualité à Nancy et ailleurs. Catherine Kem, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour venir nous présenter votre livre, le premier d'une série de trois livres qui est déjà paru, d'ailleurs, le premier livre, La semaine de l'étranger. Avant d'en parler un peu, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de Fudget? Alors, oui. Je suis infirmière de formation et à la suite de la maladie d'un proche, j'ai publié un livre autobiographique il y a une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai publié un deuxième livre sur la musique. Je suis partie en Haïti pour adopter et ça a donné lieu à ce troisième ouvrage. Le premier ouvrage d'une série de trois donc, qui vont sortir, La semaine de l'étranger. Dans quel univers allez-vous nous emmener dans ce premier livre? Alors, il n'est pas cité dans le livre, mais voilà, l'histoire change de continent. On part pour Haïti, un pays que j'ai trouvé en guerre civile, en pleine détresse. Et j'ai eu immédiatement envie d'écrire sur l'histoire de ce pays en rentrant en France. Quelle thématique vous avez voulu aborder? Alors, en réalité, je partais pour adopter donc mon fils, qui est là depuis 15 ans. J'ai trouvé un pays vraiment dévasté. Et j'ai eu envie d'écrire sur la quête identitaire, sur le sens. Ce qui m'a frappée, c'est la détresse de ce pays. Et puis, en rentrant ici et en me mettant à écrire, je me suis rendu compte qu'à une époque où on pouvait encore aider ce pays, qui se sentait tout à fait abandonné d'ailleurs. Mon fils est arrivé en 2004, on était à l'aube de la grande crise et qu'au fil de cet ouvrage, eh bien, l'actualité me rattrapait. J'ai trouvé un pays quasiment englouti dans une partie de l'île à cause des tempêtes. On est aujourd'hui nous-mêmes profondément atteints. À la suite de la crise, il y a une paupérisation. La chaleur et la déforestation qui a miné Haïti pendant des années, qu'on aurait peut-être pu aider à l'époque, eh bien nous-mêmes aujourd'hui, on en est victimes. À travers cette quête de sens, et au fil des livres, c'est pourquoi il y en a trois, au fil des livres, je mets en parallèle la quête identitaire de cette personne et la quête de sens de sa vie avec la profonde crise identitaire qu'on vit aujourd'hui, la quête de sens que nos enfants vivent quotidiennement ici. Dans ce livre, on va suivre une aventure, on va suivre l'histoire quel personnage? C'est un personnage fictif? Il est fictif, effectivement. Il s'agit d'un garçon qui va découvrir qu'il n'est effectivement pas natif du pays où il a grandi. Il s'exile. Il s'exile parce qu'il est en crise intérieure. Et il va trouver dans ce pays-là eh bien, ses origines. Il atterrit par hasard et par amitié dans un pays dévasté. Il s'agit d'Haïti qui n'est pas nommé. Et il va découvrir qu'il est originaire de ce pays. Il ne va pas y rester, mais le sens de sa vie, il va le trouver à travers eh bien, l'aide qu'il va apporter à tous les compagnons d'exil qu'il va retrouver en retraversant les mers, puisque je mêle trafic d'armes, trafic d'enfants, enfin beaucoup, beaucoup de choses qui sont brûlantes d'actualité d'ailleurs. Hein. Tout nous rattrape. Donc, trois livres, vous avez programmés pour... Oui, il faut au moins ça et un quatrième est à l'œuvre. Donc, le premier, c'est La semaine de l'étranger. Voilà. Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce livre? Il est publié aux éditions Edilivre et pour le moment, il est juste en ligne. Et il est aussi à la FNAC, mais pour le moment, il n'est pas encore dans les librairies, à moins que celle-ci le demande. Ce livre, vous le destinez à qui? Pour qui vous l'avez écrit? Eh bien, je l'ai écrit, en fait, je pense que chaque livre a ses lecteurs. Peut-être que je l'ai écrit pour les jeunes, parce que je crois que aujourd'hui tout le monde est touché par la crise et que j'ai vu grandir mon fils à travers cette crise. Je vois qu'aujourd'hui, eh bien, lui-même trouve sens à sa vie, ça n'est pas sans difficulté. Et comme le premier livre que j'ai écrit portait sur le deuil et la maladie, aujourd'hui, ce livre-là, il porte sur tout le questionnement qu'on peut avoir en grandissant. Et tout au long des trois ouvrages, d'ailleurs, plus que jamais, je redonne un sens au travail de deuil, qui est, à mon avis, le passage obligé pour passer à autre chose. Et je ne suis pas la première, loin de là, à aborder ce thème. Il y a même des gens qui l'explorent bien plus profondément Je crois que le deuil est un passage obligé, il devrait presque être enseigné. Voilà. La semaine de l'étranger, donc premier livre d'une série, le deuxième s'appellera comment ? Alors le deuxième s'appelle Les Solitudes, c'est l'histoire d'une amitié. Il explore à 15 ans d'intervalle la vie de cet homme, le sens qu'il donne à sa vie. Il retrouve le continent sur lequel il a grandi et j'ajoute plusieurs personnages, eux-mêmes en quête de sens et qui vont trouver, grâce à de multiples ramifications, un sens à leur vie. Ce sont des histoires simples qui se regroupent et qui rejoignent l'actualité. Merci Catherine Kem pour cette présentation de livre. Eh bien, vous reviendrez peut-être pour nous présenter les suivants. La semaine de l'étranger, donc disponible sur Edilivre. Hein. C'est bien ça. C'est ça, en ligne et en e-book. Merci. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.